Et chez moi parce qu'il y a rien à faire. J'ai même la flemme de pousser les haltères. Faut que je prenne rendez-vous avec le notaire. Faut que j'investisse dans la pierre. Je vois cette mère avec son petit dans le froid. Je vois ce riche avec son 6 ou près 3. J'ai grandi avec buff libanais et le froid. Je t'écoute pas, moi c'est un dieu que je crois. Je dis ce que je vois, ce que je pense quand j'écris. Tout va bien pour l'instant, Dieu, moi je crois. Pose-toi des questions aussi, je m'écris. En galère remplie à sa mère, le frigo, frigo, frigo. Pendant que toi tu fais le frigo, frigo, frigo. Bolide allemand, t'aimes les filles. T'aimes les films, t'aimes les sous. Mais à la maman, tu donnes les loups. Tu préfères te donner à ta bella. Partir avec elle au resto classe. Sortir de table, ventre rond comme balou. Le reste, tu t'emballes. Espèce de con, je sais donner un conseil et tu t'en vas là. Tu t'en vas là. Tu t'en vas là. Tu t'en vas là. Je chante pas. Mélancolie du soir. Je chante pas. Mélancolie du soir. Je chante pas. Ouh, mélancolie du soir. Je chante pas. Mélancolie, mélancolie, mélancolie. Je chante pas. Mélancolie du soir. Mélancolie du soir. Mélancolie du soir. Mélancolie du soir. Ouh, mélancolie du soir. Mélancolie du soir. Quand tu me vois, tu me grattes des feats, des instrus, des rimes, ouais, et même des pictures. Et ne me cherche pas avant que je te picture. Faute d'orthographe dans mes écritures. Ça passe la nuit capuchée pour me faire des rires. Les mecs qui sont en contact avec la suiture. Je chante pas. Mélancolie du soir. Je chante pas. Mélancolie du soir. Je